crois pas qu'il y a au ciel un dieu d'amour protecteur. Les cauchemars hantent son sommeil, les douleurs abâchent son corps. Il part, il part. Je l'appelle, il n'entend plus. Il part, il part. Doucement vers l'inconnu. Il semble avoir tout oublié. La rue en pente, la lutte des classes. Même sa femme tant aimée est une image qui s'efface. Il part, il part. En nous laissant ses souvenirs. Il part, il part. Et moi je préfère lui sourire. Sans ses souvenirs.